Cosette et Marius se revirent. Jean Valjean, ayant apporté pour Cosette quelque 600 000 francs, le grand-père ne fut plus d'objection pour le mariage de Marius. On prépara tout pour le mariage. Les amoureux se voyaient tous les jours. Un soir, Marius parlait devant Cosette et Jean Valjean de toute cette singulière aventure. Le visage froid de M. Fauchelevent l'impatientait. Il s'écria avec une vivacité qui avait presque la vibration de la colère. « Oui, cet homme-là, quel qu'il soit, a été sublime. La preuve, c'est qu'en sortant de l'égout, il a été arrêté. Savez-vous, monsieur, que cet homme a fait tout cela ? Et aucune récompense à attendre. Qu'étais-je, un insurgé ? Qu'étais-je, un vaincu ? Oh, les 600 000 francs de Cosette étaient à moi. Ils sont à vous, interrompit Jean Valjean. Eh bien, reprit Marius, je les donnerai pour retrouver cet homme. Jean Valjean garda le silence. La nuit du 16-17 février 1633 fut une nuit bénie. Ce fut la nuit de noces de Marius et de Cosette. Peu après, Jean Valjean vient avouer à Marius. « Monsieur, j'ai une chose à vous dire. Je suis un ancien forçat. Pour vivre autrefois, j'ai volé un pain. Aujourd'hui, pour vivre, je ne veux pas voler un nom. » « Mon grand-père a des amis, dit Marius. Je vous aurai votre grâce. » En ce moment, à l'autre extrémité du salon, la porte s'entr'ouvrit. La tête de Cosette apparut. « Je vous prends, flagrant délit, dit Cosette. Je viens d'entendre à travers la porte mon père Fauchelevent qui disait « La conscience, faire son devoir. » « Cosette, je te jure qu'il faut que nous soyons seuls. « Père, je veux que vous veniez m'embrasser. » Elle lui tendit son front. Jean Valjean déposa un baiser sur ce front où il y avait un reflet céleste, et elle sortit. « Soyez tranquille, dit Marius, je garderai votre secret pour moi seul. Je vous remercie, monsieur. À présent que vous savez, croyez-vous, monsieur, vous qui êtes le maître, que je ne dois plus voir Cosette ?»« Je crois que ce serait mieux, répondit froidement Marius. « Je ne la verrai plus, murmura Jean Valjean, et il se dirigea vers la porte. « Vous viendrez tous les soirs, dit Marius. » Et Cosette vous attendra. Vous êtes bon, monsieur, dit Jean Valjean. Et ces deux hommes se quittèrent. Marius était bouleversé.